Giton a le teint frais, le visage plein et les joues pendantes. L'œil fixe et assuré, les épaules larges, l'estomac haut, la démarche ferme et délibérée. Il parle avec confiance, il fait répéter celui qu'il entretient. Il ne goûte que médiocrement tout ce qu'il lui dit. Il déploie un ample mouchoir et se mouche avec grand bruit. Il crache fort loin et il éternue fort haut. Il dort le jour, il dort la nuit et profondément. Il ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la promenade plus de place que notre. Il tient le milieu en se promenant avec ses égaux. Il s'arrête et l'on s'arrête. Il continue de marcher et l'on marche. Tous se règlent sur lui. Il interrompt, il redresse ceux qui ont la parole. On ne l'interrompt pas. On l'écoute aussi longtemps qu'il veut parler. On est de son avis. On croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied, vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil, croiser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sourcil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne voir personne, ou le relever ensuite et découvrir son front, par fierté et par audace. Il est enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux, colère, libertin, politique, mystérieux sur les affaires du temps. Il se croit des talents et de l'esprit. Il est riche. Phédon a les yeux creux, le teint échauffé, le corps sec et le visage maigre. Il dort peu et d'un sommeil fort léger. Il est abstrait, rêveur, et il a avec de l'esprit l'air d'un stupide. Il oublie de dire ce qu'il sait ou de parler d'événements qui lui sont connus. Et s'il le fait quelquefois, il s'en tire mal. Il croit peser à ce à qui il parle. Il compte brièvement mais froidement. Il ne se fait pas écouter. Il ne fait point rire. Il applaudit. Il sourit à ce que les autres lui disent. Il est de leur avis. Il court. Il vole pour leur rendre de petits services. Il est complaisant, flatteur, empressé. Il est mystérieux sur ses affaires, quelquefois menteur. Il est superstitieux, scrupuleux, timide. Il marche doucement et légèrement. Il semble craindre de fouler la terre. Il marche les yeux baissés, et il n'ose les lever sur ce qui passe. Il n'est jamais du nombre de ceux qui forment un cercle pour discourir. Il se met derrière celui qui parle, recueille furtivement ce qui se dit, et il se retire si on le regarde. Il n'occupe point de lieu, il ne tient point de place. Il va, les épaules serrées, le chapeau abaissé sur ses yeux pour notre point de vue. Il se replie et se renferme dans son manteau. Il n'y a point de rue ni de galerie si embarrassée et si remplie de monde où il ne trouve moyen de passer sans effort et de se couler sans être aperçu. Si on le prie de s'asseoir, il se met à peine sur le bord d'un siège. Il parle bas dans la conversation et il articule mal. Il n'ouvre la bouche que pour répondre. Il tousse, il se mouche sous son chapeau, il crache presque sur soi, et il attend qu'il soit seul pour éternuer, ou, si cela lui arrive, c'est à l'insu de la compagnie. Il n'en coûte à personne, ni salut, ni compliment. Il est pauvre.